Eh bien, super. super. Eh bien, bonjour Marie-Noëlle. Bonjour Béatrice, vraiment plaisir de te rencontrer. Voilà, pour partager un moment. Et je ne sais pas quelles vont être les questions, mais voilà, je suis là. C'est une surprise, tu vas voir, c'est des questions qui sont personnelles. Tu peux ne pas répondre si tu n'as pas envie, parce qu'il va y avoir des dimensions, donc c'est à toi de voir. Ok. Et pour commencer, j'aimerais que tu dises ton nom. Où est-ce que tu te trouves actuellement? Et si tu le souhaites, ton âge? Oh, bah oui. Mon nom, c'est Marie-Noëlle Salaté Granès. Granès est un mon nom de jeune fille. Où est-ce que je suis? Alors, je suis actuellement dans le bureau que Noël avait, c'est-à-dire avec sa photo qui est là tout le temps. Mais de ce bureau, je gardais le bureau, mais j'ai changé un peu l'environnement derrière moi et tout ça pour le mettre un peu à mon image aussi à moi, quoi. Voilà, et pas être trop écrasé dans ce passé. Mais c'était le bureau dans lequel on travaillait avec Noël. Lui était à sa table et moi j'étais sur le côté. Et je crois qu'on a passé des heures et des heures. À partager ensemble sur ce bureau. Voilà. Vous êtes Donc, dans quelle ville? alors je suis à Villars-sur-Ollon, dans les montagnes. Du reste, à l'extérieur, aujourd'hui, il y a la neige, il y a un peu le brouillard. Mais voilà, on est en pleine. On est dans la nature et avec la vue sur les montagnes. Et voilà, et ça fait 35 ans que. 35 ans que j'habite ici, En Suisse. en Suisse, dans ce chalet. Voilà. Et donc, et tout en allant à Genève régulièrement, toutes les semaines. Mais ici, c'est mon lieu, c'est je me retrouve ici. Voilà, et c'est là où j'écris, c'est là où je peins, c'est là où. Voilà. Alors, mon âge, Oh. c'est 68 ans. 68 ans. Voilà. Voilà Comment mon âge. tu vis ton âge? Alors, je trouve ça assez extraordinaire parce que j'ai l'impression actuellement, je disais ça à une amie ce matin, j'ai l'impression que c'est une nouvelle page qui s'ouvre avec des tas de possibles. Des tas de possibles parce que je découvre. Moi, je suis une éternelle étudiante. Du reste, je crois que c'est ce qui m'a liée avec Noël, c'est que, en fait, je voulais toujours apprendre. Et aujourd'hui, je continue d'apprendre. Je me dis, mais waouh, je ne sais pas combien de temps je vais vivre, ce n'est pas ça le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est cette animation que j'ai en moi d'apprendre philosophie, artistique, psychologie. Voilà, je suis tellement ouverte à plein de choses. Et puis, j'ai la chance d'être physiquement. Bon, j'ai un diabète depuis quelque temps, mais je me dis, mais j'ai la chance de pouvoir bouger, d'aller en montagne, voilà. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est la vie. La vie me, voilà, m'émeut aujourd'hui. Voilà. Je dirais. Et comment tu vis ton genre? Mon féminin, je suis d'une extrême sensibilité. Je crois que c'est un gros atout pour mon travail, de cette perception des choses et des événements. Voilà, mais je sais que j'ai mon côté masculin, organisé, besoin de structure, besoin de repères. Et donc, il y a une juste balance. Mais quand je sens que je suis trop dans le masculin, je me mets à mes pinceaux, puis voilà, ça je me remets dans mes émotions. Puis tout d'un coup, j'ai dit, hey, revenir de l'autre côté parce que il y a des choses à faire. C'est rigolo, c'est une danse sans arrêt. Tout ça, voilà, c'est comme ça que je vis. D'accord. Et est-ce que tu pourrais me parler des gens qui ont eu une influence sur toi, qui t'ont transformé vraiment des personnes qui ont vraiment compté. Là, j'ai des émotions. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Je crois que la première personne, je parle sur le plan professionnel, en tous les cas, et même relationnel, ça a été Noël, évidemment. On a été une équipe. On a été une équipe parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, je suis l'éternel enfant qui pose des questions sur le monde, sur le sens de la vie, sur qu'est-ce que ça veut dire. Alors des fois, peut-être ça paraît un peu trop profond, mais Noël répondait à ça. Et Noël, je peux dire que dans les 35 ans, plus de 30 ans qu'on a été ensemble, il avait toujours quelque chose de où j'apprenais. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et même les derniers temps où on a été ensemble, on avait des discussions entre lui, entre Sartre et moi, avec Camus. Et dans la maison de retraite où il était, il y avait un silence, tous les petits vieux écoutaient. Et je disais, mais comment peux-tu être pro-Sartre? Et ça, c'est à l'image de tout ce qu'on a partagé sans arrêt, moi questionnant, et apportant aussi mes points de vue, évidemment. Et voilà, et c'était... Alors, j'ai eu de la chance parce que Noël, c'était une mine, philosophie, religion, psychologie, et tout ce qu'il a porté à l'époque au monde de la gestalt francophone. Donc voilà, donc lui, ça a été important. Et puis, il y a eu Isadore, qui était un ami de Noël. C'était un proche, ils étaient très proches. Et Noël il appelait son maître. Et puis, Isadore venait dans ce chalet, là où on est, et venait, il passait du temps avec son ami Hunt. Et toute la famille aimait Isadore, et y compris notre fils. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est pas tant la théorie d'Isadore, mais c'est qu'il pouvait, dès qu'on était à la cuisine avec Noël, je le retrouvais à quatre pattes avec une serviette sur la tête et jouant avec Alexandre et faisant les clowns. Et je me disais, mais alors c'est ça un grand homme, c'est être capable de se remettre à un état d'enfant, pas oublier cet enfant, quoi. À part ça, il pouvait être très, très, très sérieux. Et alors, du coup, après, j'ai été travailler avec lui à New York. Trouille énorme, parce que pendant 3 jours, il disait, mais où est Marie-Noël? Et moi, j'étais calfeutrée chez la nièce de Noël à New York, et en disant, j'ai perdu l'adresse, je suis perdue, enfin voilà. Donc, j'avais une telle trouille de rencontrer cet homme. Et en fait, c'était extraordinaire. J'ai appris des choses au niveau humain avec lui, ne serait-ce que le bon moment de donner le mouchoir, de dire c'est pas parce qu'on t'a rien donné que, par exemple, que faut rien que tu reçoives quand tu reçoives. Et des petites choses comme ça, tout autant que des choses amusantes où il partageait son café avec moi, il était dégueulasse. Et je me disais, mais où est-ce qu'il y a une plante où je puisse mettre ce café derrière? Mais voilà, c'était... Et à part ça, il avait ses yeux bleus qui me regardaient, et je me disais, oh là là là là, voilà, je pouvais pas cacher, je pouvais être que honnête, quoi, que ce que j'étais. Et il me disait, mais tu vois, Marie-Noël, t'inquiète pas pour l'écriture, moi j'ai jamais écrit, tu vois, bon, ben, ça m'empêche pas d'être ce que je suis. Donc, c'était quelqu'un qui, à la fois, pointé, il ne faisait pas de cadeaux, enfin je veux dire, c'était pointu, mais en même temps, il y avait de la bonté, il y avait de la gentillesse. Puis après, il m'est arrivé d'être invité avec des gestaltistes à New York, et là j'étais là en me disant, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi, c'était, voilà. Donc cette rencontre Cette rencontre m'a beaucoup apporté parce que je me suis dit, oui, la théorie, là, ce que je dirais, c'est que d'un côté, Noël m'a apporté beaucoup au niveau théorique et la structure du sens, enfin voilà, et de l'exigence, parce que Noël est exigeant, hein. Jamais il disait que c'était bien. Mais, et puis de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui me disait, mais oui, mais être humain, c'est aussi ça. Ben, il avait un cancer aussi, ils adorent un cancer à la fin, ce que j'ai été. Et ben, on peut aussi se présenter comme ça, avec ce que l'on est, y compris avec sa vulnérabilité, ses faiblesses. Et c'est ça l'humain, quoi. Et moi, j'étais. C'était incroyable. Et à New York, la nièce de Noël l'avait invité. Il me faisait lire du Proust en français, ne serait-ce que pour écouter mon accent français, lire en anglais. Et tout le monde était écroulé de lire, de rire. Et voilà. Donc c'était, on peut rire, quoi. Voilà. Et moi, c'était tellement bon d'avoir ce côté-là. Et c'était Isadore, quoi. Voilà, c'était Isadore. Et voilà. Donc, c'est quand même deux personnes, deux personnages qui m'ont apporté beaucoup, qui m'ont aidé beaucoup, qui sont toujours présents dans ma vie aujourd'hui, quoi. J'ai la photo d'Isadore dans mon bureau en bas. Je sais, je l'ai jamais rencontré, je ne sais pas à quoi ressemble Isadore. Pour moi, c'est quelqu'un de très mystérieux, caché. Je connais quelques écrits de gens qui ont capté un petit peu ce qu'il pouvait dire, mais comme il n'a pas laissé de traces écrites, je crois que j'ai jamais vu de photo de lui. Eh bien, écoute, c'était un petit bonhomme. C'était un petit bonhomme. Moi, je l'ai connu évidemment vers la fin de sa vie. C'était un petit bonhomme, mais il avait une présence avec des yeux. Waouh! Là, on pouvait. Moi, je sentais qu'on était au cœur de la relation. Qu'il avait ce petit bonhomme, pas grand. Mais en même temps une force, moi je sentais une force qu'il dégageait de présence, et puis la présence qu'il avait sur moi, ça j'ai jamais oublié. Et la photo que j'ai, c'était la photo que Noël avait prise de lui sur le balcon, là ici de notre chalet. Il avait accepté. Et voilà, donc c'était. Voilà, donc c'est cette présence que je garde, cette présence. Il pouvait être cash, hein, mais moi j'ai toujours senti qu'il a eu à mon égard de la bonté et de l'indulgence. Et oui, je ne parlais pas très bien anglais, hein, non plus à l'époque. Maintenant j'ai fait beaucoup de progrès, mais il me disait, c'est pas grave, parle dans ta langue. Jamais de. À me renvoyer que j'étais pas suffisante, une invalidation ou un rabaissement, voilà. Voilà. Et des fois, quand c'était trop dur, il me disait, bon, dans les séances, parce que j'avais une partie supervision, une partie thérapie, quand c'était trop dur, il me disait, bon, allez, je pleurais trop. Alors, il me disait, bon, tu sors de là, tu vas à droite, au feu rouge, tu tournes à gauche, hein, tu vas à tel café, et quand tu reviens, tu fais en sens inverse. Et puis quand je me tapais dans son copain Han qui me disait, mais Marie-Noël, mais qu'est-ce qui se passe? Que j'étais comme ça. Et alors, Isadore, il m'a dit d'aller là, d'aller là, d'aller là, de prendre un café et de revenir. Ah bon, d'accord, bon, bah ok, alors à tout à l'heure. Voilà. Bon, c'est des souvenirs inoubliables, quoi. Mais moi, il y avait aussi tout ce que Noël m'avait dit sur Isadore, c'est-à-dire cet homme heureusement qu'il a eu Isadore, parce que, pour lui, parce que c'est lui qui, au niveau théorique, finalement, à Cleveland, a apporté une structure, a apporté des éclaircissements au niveau théorique et tout ça. Et heureusement qu'il a été là. Et il disait que quand il avait rencontré Isadore la première fois, c'était à Montréal, qui était Laura qui l'avait Pearls qui l'avait invité, Et alors, il dit, j'étais dehors et je fumais ma cigarette. Alors, imaginez Noël, 1,80 m et quelques, baraques et tout ça, et qui voit ce petit bonhomme en train de fumer sa clope aussi dans la rue. Et il regarde et il dit, ça doit être Isadore. Et il était tout seul. Puis après, il est rentré dans la salle, dans le groupe avec Laura. Et Laura, ben là, il y avait une complicité entre deux. Mais Noël a tout de suite accroché plus avec Isadore, quoi. Il avait les mots Isadore, et Noël était assez accroché aux mots, au sens. Et j'ai encore son cahier avec les notes qu'il prenait des cours avec Isadore, écrits à la main. Les mots étaient importants. Les mots étaient importants. Et la structure. Donc voilà, pour répondre à ta question, je dirais, c'est deux. Oui, j'ai eu vraiment la chance, quoi. J'ai eu vraiment la chance. Et quand j'ai téléphoné la dernière fois, ça aussi, c'est beau aussi comme message humain. Je savais qu'il allait mourir, je savais qu'il avait un cancer. Et ça n'empêche que quand je l'ai appelé, il m'a dit, Marie-Noël, je t'attends. Ça voulait dire, on ne va pas parler. On savait tous les deux que c'était. Il m'a dit, mais Marie-Noël, quand tu veux, je t'attends. C'était énorme pour moi parce que, voilà, c'est cette gentillesse d'un message, voilà, et de ce dernier message. Parce que je crois que je devais l'amuser. J'étais avec mes émotions et tout ça. Il sentait qu'il fallait un petit peu me donner un peu de calme, de sécurité, de gentillesse, parce que c'était déjà assez pour moi. Ah, c'était drôle. Voilà. Donc, et quand on a été à son enterrement, ils nous attendaient parce que, combien aux États-Unis, on est toujours aux États-Unis tous les ans. Et pour disperser ses cendres. Et alors, voilà, c'était émouvant. Et on était tous les trois. Et quand Alexandre, on est reparti, c'était l'ami d'Alexandre aussi, tout autant que le nôtre. C'est-à-dire, chacun avait une part de lui. Voilà, on l'aimait. On avait une relation à lui particulière, quoi. Et voilà, donc c'était fort ce moment-là, quoi. Donc voilà, mais ça, c'est des rencontres. On se dit après, en tous les cas, moi maintenant, waouh, ben, j'étais chanceuse, quoi. J'étais chanceuse de cette richesse, pas uniquement intellectuelle, c'est vraiment la richesse humaine. Et j'essaye aujourd'hui de penser à ça et de continuer au niveau de cette humanité, de continuer à ne pas oublier ce que j'ai reçu aussi là et qui m'a fait avancer. Ça a marqué ma vie, ça a marqué ma vie. Marqué ma vie. Voilà. Est-ce que tu peux justement me dire un peu plus de toi, de tes valeurs, parce que c'est en filigrane à travers tout ce que tu dis, tout ce qu'ils t'ont apporté, mais du coup, je suis curieuse de savoir quelles sont qui tu es, toi, en tant que personne, comment tu pourrais me parler de toi aujourd'hui, de tes valeurs, de tes passions, de tes combats, de qu'est-ce qui est important? Moi, j'ai ma valeur, justement, dernièrement, je me disais, mais au fond, quelle est ta valeur la plus importante, Marie-Noël? Alors oui, il y en a beaucoup, mais je crois que la valeur, c'est la vie. Pour moi, c'est la valeur de la vie, et j'y pense encore plus actuellement, où je vois cette période de vie où les gens sont moroses, sont dépressifs, enfin bon, c'est difficile pour beaucoup de gens. économiquement, psychologiquement. Et je crois que ma valeur, c'est une solidarité que je sens à cette souffrance, pas pour y coller, mais pour dire, OK, on va ensemble, on va partager ça pour pouvoir en faire autre chose. Parce que bon, c'est comme un cours d'eau, il y a des barrages, ben, on va essayer ensemble de lever ça. Et puis pour retrouver l'essence de la personne, ce qu'elle est profondément. Et la valeur de la vie, pour moi, c'est ce que je porte en moi. Je suis une pied-noire, qui a vécu 9 ans pendant la guerre d'Algérie. Donc j'ai vécu une guerre, une guerre où donc on pouvait mourir, la mort était là, et avec tous les traumas qui sont associés. Donc j'ai beaucoup travaillé toute ma vie à ce niveau-là. Et puis à chaque fois, ma valeur, c'est comment, c'est pas de nier ce qu'on a été, voilà, on vient de là, mais comment on peut transformer les douleurs, les souffrances. On les reconnaît, mais on peut en faire autre chose, il n'y a pas que ça. Et je crois que c'est ce qui me porte actuellement. Alors la gestalt, je crois que je commence à comprendre ce que c'est que la gestalt. En tous les cas, de me dire, mais oui, c'était ça. C'était, bon, on parle des résistances, des machins, mais pour moi, j'avais une vision théorique, j'avais compris la théorie, mais comment on est avec une personne pour partager, s'intéresser, partager, écouter. Et puis quelque part, moi je vois la douleur, mais quelque part je vois aussi derrière ça les qualités, les ressources de la personne, la vie qu'a la personne, tout son potentiel. Et dès que je vois une personne, je peux dire que c'est ça qui m'anime, quoi. Voilà. Alors, voilà, je crois que c'est, je crois que j'ai toujours porter en moi la valeur de la vie. Et quand il y a eu des événements ou des choses difficiles, comme le départ de Noël, par exemple, bon, bah, je me dis, bon, bah, la vie, c'est quoi? La vie, c'est de mettre en ordre ce qu'il a fait. Voilà, bon, ça, c'est la vie. Puis après, moi, qu'est-ce que j'ai à faire de ça? Bon, OK, qu'est-ce que je veux faire pour moi? Qu'est-ce que je veux? Au fond, la communication, transmettre, qu'est-ce que je... Mais pas transmettre des théories. Transmettre un être, on peut aimer ce que je suis, on peut ne pas aimer ce que je suis, mais c'est ce que je suis avec ma sensibilité. Et il y a des choses auxquelles je crois fondamentalement, c'est que derrière toutes ces souffrances, derrière toutes ces difficultés qu'on peut traverser, il y a comment se libérer de tous ces carcans pour pouvoir aller vers oui, la vie, c'est-à-dire ce qui nous anime, ce qui nous porte. Je crois que c'est ça. Et pour ça, je crois que je mets ma vie actuellement à accompagner des personnes là-dedans, parce que quand je les vois ensuite qui partent et qui retrouvent leur propre liberté, c'est-à-dire oui, je suis capable d'être qui je suis avec mes valeurs justement qui me portent, et c'est extraordinaire pour moi. Je me dis waouh, c'est pas une question de renaissance, c'est beaucoup plus que ça. C'est voilà, c'est la valeur de la vie. Voilà, c'est, je crois à ça, c'est ce qui m'anime. Ça me touche en disant ça, parce que vraiment je me rends compte à quel point c'est fort quand je dis ça. Alors évidemment, on doit porter, moi aussi, je mets ma solitude, mais c'est une solitude qui n'est pas pour se retourner contre moi, c'est une solitude pour communiquer, parfois mal. J'ai conscience que des fois, je ne communique pas aussi bien que ce que je voudrais, profondément, dans le sens des choses. Mais voilà, on s'améliore. Et c'est justement, ma vie. Mais oui. Mais justement, sur quelle qualité tu t'appuies pour être qui tu es et pour mettre en œuvre tes valeurs? Ben, j'ai une grande sensibilité, comme je disais. Je crois que je suis généreuse de ma personne. Comme qualité, j'aime les gens. J'aime les gens. Il y en a qui me blessent. Mais ça fait rien, ça m'empêche pas d'aimer les gens. Quelle qualité j'aime rire. Moi, je peux même, on peut me faire rire facilement. On peut me faire pleurer facilement, mais on peut me faire rire facilement. Donc, j'aime rire. Et plus ça va, tu me disais tout à l'heure, justement, par rapport à mon âge, je crois que, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais je crois que je vois les choses, alors beaucoup, beaucoup moins dramatiquement que quand j'étais plus jeune. Je vois ce côté de, oui, c'est ça, comme, mais ce n'est pas si dramatique. Et puis aussi, c'est dans le moment, c'est comme ça, ça c'est ma qualité aujourd'hui. Je dis, bon, c'est dans le moment. Aujourd'hui, c'est comme ça, le moment, c'est comme ça. Bon, mais ça va changer, ça peut changer, je crois que ça peut changer, je ne sais pas comment. Mais alors, ça, je crois à ça. Je crois que... Voilà, donc aussi me dire que c'est pas aussi dramatique que ça l'était dans mon enfance. Je crois que c'est ça. La vie est pas aussi dramatique. Je veux dire, voilà. Donc ça c'est peut-être une qualité. J'aime les gens, j'aime partager, j'aime donner. J'ai beaucoup de présence. D'écoute, je sais écouter, et puis je crois que j'ai des qualités de cœur aussi. Oh, oui. Voilà, ça c'est un peu l'héritage de la famille. Il n'y a pas eu des choses, il y a eu des choses difficiles, mais il y a eu quelque chose qui reste là, c'est l'héritage du cœur, malgré tout. Parfois une sorte de naïveté. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Et elle est... Voilà, c'est un peu l'enfant, quoi, aussi. Donc, les qualités de l'enfant, je crois qu'en vieillissant aussi, ça rejoint... je crois que les qualités de l'enfant, je les retrouve peut-être beaucoup plus que ce que j'avais il y a peut-être 20 ans, quoi. Parce que l'enfant était triste étant petite, mais maintenant, c'est avant d'être triste, l'enfant était vivant. Il voulait vivre et il avait envie de rigoler, il avait envie, alors, de jouer, partager. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu cet enfant. Bon, j'espère que ça ne va pas trop régresser. Ça va se maintenir. Pas de dégâts. Mais bon. Moi, je dis toujours, si on me met dans une maison de retraite, je vais foutre la panique. Ça va être tellement gai. Ah, ça va, voilà. Mais je veux pas aller là-dedans, quoi. Voilà. Voilà. Et tes passions, j'ai entendu que tu peignais, je ne savais pas que tu peignais. Est-ce que tu peux en dire plus sur tes passions en général, peut-être la peinture, je ne sais pas, de la tête. Mes passions. Alors, ma passion a toujours été la danse. Ça a été un grand drame quand vers mes 15 ans, mes parents ne pouvaient pas me payer mes cours de danse, donc j'ai arrêté là. C'était de la danse classique. J'ai eu la passion du cheval à un moment. Parallèlement à cela, à la passion de la danse. Et puis ensuite, mon père était instructeur en cavalerie. Alors donc, J'ai trouvé que le cheval était un peu dur quand même, la façon dont j'étais cravachée, on peut dire. Donc j'ai dit, oh non, la danse est quand même plus doux. Mais j'ai toujours fait de la danse, toute forme de danse, et africaine, contact. C'était une passion. J'habitais dans la Touraine à un moment, j'allais en stop à Paris pour prendre des cours de danse, et je revenais. Je prenais deux cours de danse et je revenais en stop. Je me dis, mais non, mais pas vrai, quoi. Donc, toujours la danse. Et puis, après, j'ai décidé d'aller à la Sorbonne, devenir danse-thérapeute en même temps que j'étais éducatrice spécialisée. Mais là, donc là, il fallait faire de la danse indienne, la danse moderne, la danse, tout un tas de trucs, hein, y compris les méthodes de danse américaine, enfin bon. Et puis j'ai rencontré Noël à ce moment-là, qui m'a dit, hey, excuse-moi Marie-Noël, mais quand est-ce que tu aurais du temps pour moi? Parce que il me semble que là, on est devant un petit problème. Alors j'ai fait, ça m'ennuie, parce qu'il va falloir encore que j'arrête la danse. Voilà, donc, mais j'ai quand même continué, malgré tout. J'ai essayé de biaiser jusqu'à un moment où j'ai dit non, il faut faire des choix dans la vie, quoi. Et après, je suis passée dans les qigong et aujourd'hui, je fais du yoga parce que avec l'âge, on revoit le corps à la baisse. On dit, OK, ça, je peux encore faire, quoi. Voilà. Mais la danse, si je vais au ballet, tous les ans, je vais voir les ballets des Jarres à Lausanne. Moi, c'est le mouvement. Et c'est le mouvement et c'est la vie. Et je me disais ces jours-ci, en fait, je crois que, au fond de la danse, avec mes patients, je crois que je leur apprends à danser leur vie, quoi. Je les accompagne à être de plus en plus dans la danse de leur vie, quoi. C'est qui je crois que je me disais ça. Il y a ça, il y a la danse, il y a la photographie. Avec Noël, on a partagé beaucoup, beaucoup de photographies. C'est un passionné de photographie. Donc, j'ai appris la photographie. Je disais que j'apprenais toujours, moi. Donc, voilà. Et puis dernièrement, ça fait 4 ans, c'est un ami qui m'a dit, mais tu devrais peindre. Je lui ai dit, mais non, mais à l'école, on m'a dit surtout pas ça, parce que quand j'étais petite, on m'a dit, Marie-Noël, ça t'oublie, hein, parce que ça, c'est pas pour toi. Alors, j'ai dit, mais ça va pas, non? Alors, mais essaye, bon. Et puis maintenant, ça fait partie de ma vie. Le soir avant de me coucher, tiens, où j'en suis au niveau de mes émotions? Alors, crac, crac, crac, voilà, encre de Chine avec des couleurs, l'huile. Des fois, je dis, ah ben non, c'est les pastels aujourd'hui. Enfin, voilà. C'est mon médium pour pouvoir me retrouver avec moi, dire, ah ben aujourd'hui c'est un peu dark, hein, c'est un peu sombre. Bon, aujourd'hui c'est waouh, voilà. Bon, voilà. Mais c'est quelque chose avec moi-même, voilà. Et plus en plus, je rentre dedans et je vais profondément et je me dis, waouh, il y a quand même de la force là-dedans. Alors voilà. Donc, mais alors j'ai mes passions du voyage. Ah oui, alors ça, c'est encore un gros truc. Et quand Noël avait commencé à perdre sa vue, j'ai dit, bon, on va voyager, on va voir les animaux. Alors, on prenait notre Alexandre sous le bras et puis on allait en Afrique, on allait dans le monde entier voir les animaux. Et c'est chouette parce que du coup, au lieu de... Voilà, toujours l'histoire de la vie, bon, on n'a pas passé du côté du sombre, ok. Et les animaux, pour moi, c'est... Là, quand je vais en montagne et que je vois les bouquetins et que je vois les biches et que je vois tout ça, j'apprends à repérer les traces sur le sol. Donc, je sais ce que c'est, si c'est un renard, si c'est... Et voilà, ça me bouleverse, quoi. Ça me bouleverse, je trouve ça extraordinaire. Donc, j'ai beaucoup de passion. Voilà. je suis pas tellement la passion du ménage. Je prends quelqu'un pour m'aider. Bon, ça. Mais je fais quand même, je fais un effort. C'est ton côté discipliné qui t'aide à ce moment-là. Ben, c'est de me dire personne va le faire pour moi, ma vieille. Hein, donc, bon. Et puis j'aime l'harmonie, j'aime la beauté, j'aime l'harmonie. C'est important. Peut-être aussi en rapport avec toutes les horreurs de mon enfance, celles que j'ai vues et celles que j'ai entendues dire. Donc voilà, j'ai besoin de ça, de beauté, d'harmonie, de chaleur. Donc voilà, c'est, là, on peut pas, ça fait partie pour avoir des passions, il faut aussi avoir d'autres valeurs. Des choses qui sont importantes, qui sont vitales. Quand j'ai connu Noël, j'étais complètement désordre. Je laissais mes affaires traîner partout. Et lui était obsessionnel, comme tout le monde le sait. Donc j'ai appris à ranger. Et maintenant, quand je deviens un peu obsessionnelle, alors je pense à lui et puis je dis, ouais, bon, bah, c'est un peu d'état quand même. Mais donc, alors je deviens pas tant obsessionnelle que c'est un peu le respect, c'est un peu le respect, parce que moi, ça c'est une des valeurs, le respect. Là, le respect, la dignité de quelqu'un, ah, ça c'est fort pour moi, le respect. Donc je me dis, ah, c'est pas digne de toi là, t'as laissé trois trucs traîner, c'est pas vraiment digne de toi. Bon, alors, tu dois te respecter, parce que c'est comme ça que tu vas avancer, c'est pas la rigidité, mais il faut mettre un peu d'ordre quand même, il faut savoir où on va, sinon ça s'accumule et où on va. Donc pour avancer, il faut un petit peu un peu d'ordre, mais pas dans l'ordre de l'obsessionnel, mais plutôt dans l'ordre du respect pour y voir clair. Parce que ça, c'est quelque chose chez moi qui est très important, y voir clair. J'ai besoin de voir clair dans les situations, dans la vie. Des fois, ça fait mal de voir clair parce qu'on voit des choses qu'on n'a pas trop envie de voir ou qui font mal, mais au moins ça permet d'avancer. Voilà. Je dis tout ça dans le désordre, comme ça. Mais c'est très bien. C'est comme ça que j'aime. J'aime beaucoup la spontanéité avec laquelle tu es et être ici et maintenant avec ce qui vient. Donc c'est parfait. Merci. Est-ce qu'il y a une situation qui t'a demandé d'aller vraiment puiser en tes ressources, une situation vraiment où tu as dû faire appel à tes ressources, ton énergie pour te sortir de ça? Est-ce que tu as envie d'en parler un peu? Est-ce qu'il y en a une qui te vient? Elle n'est pas très gaie. Elle est au moment de Noël est partie avec Exit. Et Exit, c'est une association qui permet aux gens de mourir dans la dignité parce que alors c'est pas ça s'appelle le suicide assisté, c'est-à-dire en fait qui permet aux gens quand il n'y a pas de possibilité. Des gens qui ont un cancer, quoi, il n'y a pas possibilité d'amélioration. Les gens disent, bon, ben, ça suffit, ce n'est pas la peine de terminer comme des légumes. Bon, on n'a pas besoin de terminer comme ça. Donc, on a le droit de mettre fin à sa vie tout en gardant la dignité. Et je crois que je n'ai jamais... imaginer combien ça allait me bousculer parce qu'il y a toute cette période, il y a eu 6 mois où on a parlé de ça et puis on n'imagine jamais alors on l'a préparé et voilà mais entre ce qui se passe et comment on se prépare, c'est une énorme différence. Quand on le vit, c'est une énorme différence. Et en plus, j'étais avec une bonne femme, donc elle n'a pas été, on va dire, très cool. Voilà, elle n'a pas très bien compris ce qui se passait en moi, la personne d'Exit qui était là. Donc ça, c'est pas très... Sur le coup, Sur le coup, ce qui comptait, c'était que Noël parte tranquillement. Et après, et en fait, voilà, la grosse situation, c'est qu'on ne s'est pas dit au revoir avec des mots au revoir. Je crois qu'on ne pouvait pas se dire au revoir. Et après de réaliser la grosse, c'est fini, juste à ce moment-là, c'est fini. Cette seconde-là était très difficile. Et puis après, il faut faire face parce qu'il y a les enfants, il y a la famille, il y a les amis, il y a tout ça. Et c'était très difficile pour moi. Et voilà, c'était une période difficile où un peu sous état de choc, et en même temps, il faut continuer à vivre, quoi. Je crois que beaucoup de gens connaissent ça. Je ne suis pas la seule à vivre ça. Et je crois que ce qui m'a aidée, c'est de dire il faut continuer. Il faut continuer parce que la vie continue. Parce que si je suis encore là, c'est parce que je dois continuer quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais moi, je suis là et je dois faire quelque chose de cette vie-là. Et donc, du coup, j'ai continué ce que je faisais. Au lieu de faire quelque chose de différent, j'ai continué mes séminaires à Genève sur des thèmes existentiels. J'ai continué mes patients. J'ai continué. Voilà, tout ce... En fait, j'ai continué. Alors, j'ai continué en me disant, c'est comme la vie continue, on y va. Mais c'était une période très difficile. Il y a vraiment entre ce qu'on imagine. En fait, il y a des choses qu'on n'imagine pas. On croit qu'on est préparé, on croit, puis c'est pas vrai, pas du tout. Puis du coup, ben, c'est comme si on plonge. Et j'aime beaucoup cette image de taoïste qui est de Chuang Tzu qui parle de l'homme qui plonge et puis qui remonte de l'autre côté de la rivière parce que bon, voilà, il décide de remonter de l'autre côté du courant. Et ben c'était un peu ça. On plonge malgré soi et puis on trouve en soi, au fur et à mesure, les ressources pour remonter. Puis on ne sait pas qu'on a les ressources, mais ça se passe. Et puis voilà, et on apprend à vivre avec ce qu'on a reçu, et on apprend à vivre peut-être encore plus avec. À se dire, bah oui, qu'est-ce qui est important au jour le jour, qu'est-ce qui est important, pourquoi on continue, quel est le sens de continuer, qu'est-ce qui a de la valeur à continuer. Et je suis une altruiste, autant je suis seule, je travaille beaucoup seule, mais je suis une altruiste, donc, et donc, bah voilà, j'ai. Le partage, ce qui n'était plus possible, par exemple le partage avec Noël, je l'ai retrouvé dans mes groupes de recherche et avec des gens très, très, très d'un bon niveau et qui se remettent en cause. Et voilà, donc il y avait quand même une petite communauté qui était là et qui est toujours là. Et voilà, et donc. Ça m'a donné du courage pour avancer parce qu'on n'est pas tout seul pour avancer. Il faut aussi des gens, non pas qui disent « Ah, ma pauvre », non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est des gens qui disent « Hey, ok, on va se mettre au boulot, on va réfléchir. Hein. » Alors ça y est, moi je suis partie de Thune Bonne Bastringue et voilà. Voilà, c'est... Voilà, et puis il y a des choses qu'on perd, mais il y a des choses qu'on garde. Et ce qu'on garde a de la valeur. Ce qu'on garde a de la valeur. Donc voilà, c'était un peu ça. On le fait, on ne dit pas on va faire, on y est, on le fait. Voilà. Je dirais. Tu me dis que tu t'es appuyé sur ces groupes de recherche et tu as continué, tu es donc gestalt-thérapeute, mais j'aimerais savoir comment tu es arrivé à pratiquer la gestalt-thérapie. Moi, j'ai commencé la gestalt thérapie. J'ai commencé. J'ai commencé. J'habitais à Paris à l'époque. Je revenais de la maternité. Et Noël me dit. Parce qu'il y avait on avait un appartement, puis en face, sur le même palier, il y avait le bureau. Puis je revenais et là, et puis il me dit, bon, Marie-Noël, il y a quelqu'un là, je pense qu'il est temps maintenant que tu pratiques la Gestalt, j'étais formée au Centre international de Gestalt à Montréal, enfin, qui venait en France à ce moment-là. Donc, mais voilà, il faut que tu commences un jour, quoi. Voilà. Moi, j'ai fait, ouais, bon, bah, ok, mais bon, ça, c'était Noël. Bon, allez, tac, bon, bah, on y va, c'est l'occasion qu'elle a. Et puis j'ai commencé avec une situation très difficile, très, très difficile, en me disant, est-ce que je vais être capable de faire ça? Puis oui, bah, c'est l'expérience, en acceptant qu'on apprend chaque jour. Je dois dire que pour une séance de thérapie, je demandais au moins 8 à 9 heures de séance de supervision, tellement je voulais être sûre de bien faire. Enfin, c'était absolument. Oui, mais alors, et là, enfin bon, on décortiquait toute la séance. Il était patient avec moi. Il voulait vraiment me donner. Et j'avais le goût, hein, c'est comme on dit au Canada. Alors, voilà, puis après un deuxième, troisième, puis après, on a fait un groupe continu ensemble, lui avec ses patients et moi avec les miens, donc on avait un groupe ensemble. J'ai appris aussi au fur et à mesure. Il me disait, tu prépares les centrations avant pour le groupe. Le jour J, j'avais rien préparé du tout. Il s'arrachait les cheveux, le pauvre Noël. Enfin, c'est pas possible. Mais j'avais tellement peur. Mais j'avais tellement peur à ce moment-là, avec ce grand bonhomme et puis moi, qui je suis quoi là-dedans. Quoi, c'était. Alors, c'était terrible pour moi. Je jouais ma vie quoi. Vraiment. Voilà. Alors des fois, il me disait, tu vas faire ça. Je disais non. Il me dit, écoute, la prochaine fois que tu fais ça, je te vire. Mais pourquoi je disais non, je sais pas, c'était juste parce que j'avais trop peur quoi, je me jugeais pas capable. Puis après il m'a dit bon, je te prends bon, j'ai quand même tenu pour dire, on a quand même fait le groupe, je te vois. Et puis après ça allait de mieux en mieux. Puis après il m'a dit bon, je te prends dans mes groupes de formation, mais tu es observateur. Donc j'ai fait tout un cycle comme observatrice. Après j'ai pris un cycle comme co-animatrice. Petit à petit, j'ai pris ma place comme ça. Donc, j'ai fallu faire 3 cycles avec lui. Et puis, à chaque fois, c'était. Alors, bon, on finissait, mettons, à 10 h, jusqu'à 2 h du matin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Blablabla. On écrivait tout. Et voilà. Et puis, après, il a décidé de quitter parce que avec ça, ces problèmes de vision et tout, c'est moi qui continuais. Et là, c'était une manière de dire, hey, qu'est-ce que tu as enseigné? Qu'est-ce que c'est pour toi la Gestalt? Donc, à différents niveaux comme ça, je crois que la formation aide à savoir ce qu'on fait. Et puis du coup, oui, parce qu'il y avait un truc que j'ai toujours. C'est, tu dois toujours pouvoir dire qu'est-ce que j'ai essayé de faire. Noël me disait, je t'excuse pour tout, il n'y a pas de problème, mais tu dois pouvoir me dire pourquoi tu as fait ça. Quel est le sens de ton intervention? Pas juste, ah ben oui, ça, oui, pourquoi pas. Bon, ça, c'était. Et ça m'est resté comme chose. Donc, maintenant, c'est automatique, hein, je fais beaucoup plus les choses. Mais si on me demande une séance, qu'est-ce que tu as fait là? Je peux dire clac, clac, clac, clac, clac, en termes gestaltistes, machin. Voilà, c'est. Donc voilà, ça c'était important. Donc la gestalt, et quand on est arrivé en Suisse, parce qu'évidemment, Noël a eu la bonne idée d'élever notre petit garçon qui avait quelques mois en Suisse, à la montagne, on quitte Paris, je ne veux pas élever mon enfant là-bas, ben, il a eu raison. Mais ça n'empêche que on se retrouve à la montagne. Et qu'est-ce qu'on fait à la montagne? Alors la gestalt. Pour pratiquer la gestalt, ben Noël a eu l'idée qu'on fasse des thérapies de couple. On n'avait déjà pas des thérapies, des bilans de couple. Alors on avait créé ça, la montagne, les gens venaient. Et ça aussi, ça m'a beaucoup appris parce que on travaillait beaucoup plus sur qu'est-ce qui se passe dans un couple. Là encore une fois, on prenait un temps fou pour dire qu'est-ce qui s'est passé dans cette séance, tout ça. Mais quand vous avez un couple pendant une semaine, avec une séance le matin de 3 heures, 2 à 3 heures, l'après-midi 2 à 3 heures, des exercices entre-temps, et ben, ça décape. Ça décape. Et Noël qui était nommer les choses, et moi ça m'a beaucoup appris à nommer les choses. Et puis moi, le plus le côté évidemment émotionnel, mais qu'est-ce qui se passe là? Je ressens qu'il y a des larmes, qu'il ben, y a de la tristesse. Donc, voilà. Et puis petit à petit, je me suis aperçue que Noël devenait beaucoup plus émotionnel à la fin, et puis moi, plus structuré. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on fait? Enfin voilà. Mais donc la gestalt, je l'ai appris sur le tas comme ça, et les expérimentations qui sont à créer. À ce moment-là, Noël était très fort pour ça. Moi, je ne suis pas très douée pour imaginer à l'époque les expérimentations. Mais dans l'instant, c'est celle-là qui est juste d'expérimenter, quoi. Et ça, c'est. Donc, voilà. Donc, et à chaque fois, ce lien théorie-pratique, théorie-pratique. Ça, je peux faire ça. Ça, c'est sans problème. Voilà. Mais bon, quand je suis dans l'expérience, je suis plutôt phénoménologue. Hein, donc, Oui. je suis le cursus. Noël était furieux du reste parce qu'il disait moi j'arrive pas à rester comme toi moi il faut tout de suite il faut que je donne mon appréciation de ce qui se passe il faut quel est le sens de ça il faut que je la signification ouais. Alors que moi je resterai jusqu'à ce que je chante on va au fond au fond au fond au fond et je dis ah, c'est pas fini hein. Et puis là, ça y est, je me dis, ça y est, on y est, là, voilà, voilà où il faut aller, voilà, ça c'est l'essentiel. Et voilà, donc c'est ma recherche à moi d'aller à l'essentiel pour ensuite dégager ce qu'on doit dégager et avancer, quoi. Et retrouver la sécurité. La paix, la joie, de capacité de relation, capacité de, voilà, de te sentir vivant, quoi. Voilà ce qui m'anime à moi. Ce qui m'anime. Et ce qui est magnifique, c'est que chaque personne, chaque séance est une nouvelle danse, une nouvelle approche. On ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on va faire. Et donc voilà, c'est de la danse contact. Voilà. Bon, avec l'âge, j'avoue que j'ai moins envie de faire de la danse africaine, mais donc plus. C'est pas la même énergie en fait, et probablement que ton aptitude naturelle à être phénoménologue, à déplier, réclame de la lenteur et de l'observation. Beaucoup de lenteur. Ouais. Beaucoup de lenteur. Alors des fois, pour certains, c'est un peu trop, mais une fois, il y a quelqu'un qui, dernièrement, qui m'a dit, c'est trop lent là, comme vous me faites là, c'est trop lent, parce que si on continue comme ça, je vais connecter des émotions. Ah oui, alors je dis, ah c'est possible, mais bon, mais pas toute seule cette fois, vous n'allez pas les connecter toute seule, je suis là. Ah oui, vous êtes là, bon, alors ok, bon, alors. Mais c'était drôle. Mais ça continue, je connais pas des émotions. Ah oui, c'est possible, je vois bien. Et justement, est-ce qu'il y a dans la Gestalt, après toutes ces années d'expérience, de pratique, d'observation, il y a des points spécifiques dans la théorie ou dans la pratique spécifiques à la Gestalt qui sont importantes pour toi, qui t'ont apporté quelque chose ou tu sembles vraiment essentiel, tu peux dégager ici et maintenant. Hein. J'imagine. Bah écoute, bon, moi ça a toujours avec le professeur que j'ai eu, je crois que le côté existentiel a toujours ce qui se, voilà, c'est la théorie, c'est-à-dire. Il y a la Gestalt, mais il y a aussi la confrontation à l'angoisse existentielle et la confrontation derrière ça à une des données existentielles. Et ce qui me passionne encore, c'est la façon dont ces données-là sont imbriquées. Je travaille en ce moment sur, je réfléchis. Entre autres, sur la clinique de la perfection. Et tout d'un coup, par exemple, j'ai un insight, je me dis, mais oui, mais derrière ça, il y a une angoisse de mort. Derrière alors bien sûr, il y a la solitude, mais il y a une angoisse de mort, par exemple. Alors, voilà, ma recherche, elle est pas simplement dans nommer les données existentielles, mais quelle est l'expérience phénoménologique, quelles sont les croyances qu'il y a derrière, et au fond, on arrive toujours à cet être au monde qui, comment cet être est dans le monde ou peut vivre dans le monde ou ne peut pas vivre dans le monde. Donc à chaque fois, c'est comment descendre, descendre, descendre et puis finalement arriver, comme hier, quelqu'un qui me disait, en fait, je me rends compte que je porte la culpabilité d'exister de ma mère, donc je ne peux pas m'autoriser à exister. Pour traverser ça, pour arriver à ça, on a traversé... toute la, on a travaillé la solitude, on a travaillé beaucoup, beaucoup de choses au niveau des séparations. Voilà. Et puis tout d'un coup, voilà, à force de décortiquer tout ça et de comprendre l'expérience existentielle et phénoménologique de chacun, comment on en arrive à cet être au monde qui ose être ce qu'il est, qui ose s'autoriser à être ce qu'il est, enfin, qui découvre qu'il y a des capacités, des ressources, qui découvre finalement comme un enfant, ben voilà ce que je suis, quoi, derrière tout ça. Et moi, ces questions existentielles, c'est pas juste dire ben, y a telle et telle contrainte, blablabla, bon. Noël a fait un travail extraordinaire avec son psychothérapie existentielle, mais moi j'avais besoin de chair, je dirais. Comment ça s'incarne, comment ça s'habite, comment ces données les unes les autres s'interpellent ou pas, parce que ça ne veut pas dire que tout le monde a une. Il y en a qui sont trop responsables, ceux qui ne sont pas responsables viennent moins en thérapie. Enfin bon, alors comment. Et c'est intéressant de, au fur et à mesure, la couche que la personne amène, mais finalement, au fond, il y a cette recherche de pas simplement de qui je suis, mais de mon être. C'est mon être au monde. Et ça, c'est encore, ça fait partie de ma recherche. Alors évidemment, ça peut être à travers différents thèmes. Dernièrement, dans mon séminaire, c'était un séminaire sur l'incertitude. Voilà, comment mon être au monde est et vit, qu'est-ce qu'il vit dans cette incertitude. Bon, et chaque fois, c'est ça. Alors oui, c'est pas parce qu'on a nommé qu'il y a de la solitude qu'on a fini le truc. C'est comment on sort de ça. Qu'est-ce qui va nous permettre de sortir de ça? Qu'est-ce qui va permettre qu'on s'autorise à aller, ce que j'appelle le mouvement de vie, qui est aller, il y a autre chose vers ce que j'appelle la nouveauté, c'est-à-dire la nouveauté, c'est pas de la nouveauté, je fais ça et ça, c'est surtout la nouveauté d'être ce que je suis, de me dire, mais voilà ce que je suis. Bon, par exemple, je parlais de la peinture tout à l'heure, tout d'un coup, mince, ben oui, mais je suis pas une artiste avant de vendre des tableaux, c'est pas ça. Je reconnais mon âme d'artiste en moi et qu'au fond, tiens, voilà ce que je suis, j'avais jamais. Et ça donne tellement de joie d'être ce que l'on est. C'est ça l'être. Et après, comment j'ose dire, entre nous, là maintenant, jamais je montre mes tableaux. Bon, j'ose pas encore. L'autre jour, il y a un peintre qui, une personne qui a voulu. J'ai dit, oh, ben, j'ai fait ça pendant les. Elle me dit, attends, là, j'appelle mon mari qui est peintre. Il regarde et puis il fait, mais c'est magnifique. J'ai dit, j'étais là derrière le. J'ai dit, bon, c'est fini, oui, vous avez vu, un, deux, trois. Et après, le lendemain, il m'envoie, il me dit, mais c'est tellement organique ce que tu fais, c'est vraiment. On va te faire exposer à Genève, à tel endroit et tout. J'ai dit, écoutez, on va prendre le temps, hein, parce que là, faut, bon, c'est. Mais voilà, c'est un peu pareil dans les thérapies. Tout d'un coup, les gens découvrent quelque chose, puis ils disent, ah, c'est moi ça. Bon, voilà. Alors, voilà, ce qui m'intéresse, c'est justement l'angoisse, c'est l'angoisse, l'anxiété, c'est l'anxiété, mais comment on passe à travers ça, qu'est-ce que ça veut dire de soi, et comment à l'aide, c'est ça la gestalt, cette présence, cet intérêt, cet accompagnement de quelqu'un qui est là, qui est avec et qui dit, OK, tu es dans la peine? OK, on est dans la peine. Bon, voilà. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la peine d'aujourd'hui, la peine de l'enfant. Ah ben oui, alors peut-être il faut qu'on console un petit peu cet enfant. Mais cet enfant, il n'était peut-être pas si que triste quand même. Il avait peut-être. Hein? Bon, alors, bon, et tout ça, c'est des étapes, bien évidemment. Et puis, comment l'adulte d'aujourd'hui peut reconnaître cet enfant qui est encore triste? Et puis, peut-être que cet enfant, il avait de la force pour avoir passé tout ça. Et donc, c'est peut-être cet enfant qui a donné de la force à l'adulte aussi. Donc, si ça se met ensemble, tout ça, ça peut être assez, assez chouette. Et dans tout ça, eh ben, il y a des problèmes de solitude, des problèmes de toutes les données qui se mettent en place là, ici. Donc, moi, j'ai ça en tête, toutes ces données, mais comment ça s'incarne dans ce moment-là avec ce que la personne vit à ce moment-là? Et voilà, donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce travail que j'ai fait dans mon livre, c'est-à-dire de dire la manipulation, comme par où les gens passent, par quelles données ça leur fait vivre, quelle est leur expérience de tout ça, et comment on passe de la douleur à quelque chose qui n'est pas nécessairement la joie, mais plus d'apaisement, parce que, bah oui, c'est ce que je suis, et voilà. C'est une reconnaissance de ce que je suis. Ah, ça, c'est Voilà, dans la Gestalt, à la fois, ce que je trouve magnifique, c'est qu'on n'ait pas de jugement, c'est qu'on est là avec. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Il n'y a pas de jugement sur ce qui se passe. Ok, on essaye toujours cette question du sens. Mais quel est le sens d'être là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a et mettre de la clarté, mettre du sens avec. Parfois, c'est nous qui nommons, parce que la personne est incapable de mettre des mots. Mais on dit, est-ce que ça vous parle? Il y a un tel respect, il y a une telle approche, avec une sensibilité. Enfin, moi, je le vis avec ma sensibilité, et pas à pas, comme ça, pour que la personne, petit à petit, dise, ah ben oui, c'est vrai, ben oui, voilà, ça, notre regard, voilà, c'est un autre regard, mais qui est possible, parce qu'il y a ce regard du thérapeute. Qui n'est pas avec complaisance. Je ne suis pas complaisante. Hein. Il y a des fois, je ne suis pas toujours tendre et gentille. Je ne suis pas complaisante. Voilà, c'est ça. Je suis douce, mais je ne suis pas complaisante. Choses doivent être nommées, choses doivent être nommées. Mais en même temps, je crois que si la personne est là, elle cherche autre chose, elle cherche à vivre autre chose. Et ça, c'est la gestalt, c'est vraiment la relation, ce qu'on dit la relation, mais le lien. Le lien, un lien. La personne ne peut pas être en lien avec elle-même si elle est pas en lien avec quelqu'un qui la regarde, qui a un regard sur elle et qui dit Oui, ok, tu penses que tu es moche, mais tu as le droit de penser que tu es moche. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas que ça, quoi. Voilà. Enfin, en tous les cas, ce n'est pas qu'on le dit, mais ça transparaît dans le regard. Et puis après, il y a les. C'est poser de l'existence en face de l'autre, de l'existence de l'autre en face. Je n'existe pas seul, j'existe face à l'autre qui me dit quelque chose de moi et j'en fais ce que je veux. Et après, il y a cette liberté de ce que je peux en faire, effectivement. Et de ce que je peux en faire aujourd'hui, on ne sait pas demain. C'est de l'existence, effectivement, c'est ça. C'est ça qui me passionne là-dedans, dans cette démarche. Est-ce qu'il y a une situation dont tu te souviens, une situation que tu as dû vivre avec la Gestalt qui t'a marqué, impressionné d'une manière ou d'une autre hein, Ouf, il y en a avoir plein, j'imagine. Mais est-ce que là, il y en a une ou pas? C'est difficile d'en choisir une comme ça. C'est difficile, mais je pense que pourquoi c'est celle-là qui me vient, je ne sais pas. Mais c'était quelqu'un qui était anorexique et plusieurs années. Et puis petit à petit, c'est difficile les anorexiques parce qu'il y a aussi un rapport. Le rapport à la vie, le rapport à soi, le rapport au corps, le rapport à. Et le médecin était toujours prêt à l'hospitaliser. Et moi, je sais pas, je pensais toujours qu'il y avait quelque chose au niveau de la vie qui allait. Donc à chaque fois, je disais, on attend encore un peu, on attend encore un peu. Et puis finalement, un jour. Pas de nouvelles et puis je me suis dit, bon, ça c'est des moments où, quand j'ai pas de nouvelles, je me dis, bon, est-ce que je dois prendre ça comme il y a une évolution que la personne doit faire sans moi ou est-ce que je dois m'inquiéter? Et j'ai choisi de pas m'inquiéter et puis après elle m'a dit, ben voilà, j'ai restauré la maison de mon père et elle a travaillé jour et nuit à reconstruire, à démolir, à bâtir, da da da da da. Ce petit bout de bonne femme qui voilà, que, on aurait dit, bon, elle est prête à être hospitalisée, finalement, a déployé une énergie de vie, elle a, je veux dire, elle a démoli des murs, elle a, et tout ça avec une force, une énergie et tout. Et puis, une fois qu'elle a été finie, qu'elle a fini tout ça, elle est venue me voir, puis elle m'a expliqué ce qui s'était passé. Et elle m'a dit, ben voilà, ben j'ai décidé de partir avec mon sac à dos, je vais partir en Inde à pied. Et ben voilà, je viens vous voir parce que j'ai un sac de 50 kilos, parce que je m'habitue, parce que je vais devoir marcher. Et alors là, voilà, je viens vous voir, j'ai mon sac de 50 kilos, je fais de la marche à pied pour. Et je vais partir et ça va me faire du bien. Et voilà. Et après avoir essuyé tant de relations qui l'ont fait souffrir, des choses qui étaient morbides, ça se terminait toujours de manière tellement triste. Et à chaque fois, elle a frôlé. Enfin voilà, elle était sur la tangente. Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je ne veux pas vivre? Pourquoi je parle de ça? Parce que je me dis que il y a des fois, il y a des situations, ben c'est peut-être sur le fil du rasoir, et que je respire, parce que voilà, c'est exactement ce que je fais dans ces cas-là aussi. Je me dis, oh là là là là là là, bon, voilà. Et est-ce que je suis pas imprudente? Est-ce que je devrais mettre plus de sécurité? Et ça, c'est un moment. Pourquoi j'en parle? Parce que là, je me suis posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et puis voilà, ça a bien fini. J'ai plus de nouvelles depuis. Enfin voilà, voilà, c'est ça. Et puis notre situation, c'est une petite que j'avais à l'âge de 6 ans. Et sa sœur s'était suicidée. Et quand un jour à 19 ans, je sais plus, 19, 20 ans, je sais plus, enfin, elle me dit, j'ai besoin j'ai envie de mourir, et que j'ai dit, bon, ben, la seule solution, c'est que tu sois là, hospitalisée. J'ai pleuré, mais j'ai pleuré en me disant, ben voilà, je n'ai pas été capable de l'aider à ne pas se confronter à ça. Puis après, elle a fait son séjour à l'hôpital. Pendant un an, on lui a donné une psychologue. Elle n'a pas dit un mot, ne serait-ce que « je veux voir Marie-Noël, je veux voir Marie-Noël ». Et au bout d'un an, évidemment, la psychologue a lâché, parce que, et donc elle est revenue voir Marie-Noël, qui lui a dit « bon, je crois que là, il faut peut-être qu'on trouve quelqu'un d'autre pour aussi que tu aies voilà, un homme pour… » C'est émouvant, ces situations-là, je veux dire. Là, c'est pas simplement « on est là, on est derrière… » Bon, maintenant, il y en a qui sont derrière nos masques, mais on n'est pas derrière, je veux dire, on vit mmh. aussi, on vibre avec, on se dit des fois, est-ce que dans ces situations-là extrêmes, est-ce que c'est juste ce que je fais? Est-ce que, voilà, il s'agit de la vie d'une personne, quoi. Puis après, quand on voit les gens qui passe les caps, on dit waouh, c'est chouette quoi, c'est chouette. Donc voilà, je dirais. Mais tout à l'heure tu as dit parler d'existence. Je crois que tu as nommé le mot exact. Ce qui m'intéresse, c'est l'existence dans toutes ses formes. Où ça peut aller, jusqu'où ça peut aller. Quelle forme ça prend? Ça peut prendre des formes difficiles, voire dramatiques, mais et voilà, et je suis investie là-dedans. Évidemment, j'ai ma distance, j'en parle comme ça, mais j'ai ma distance, j'essaye de... Parce que voilà, c'est important d'avoir sa distance émotionnelle. Mais ce qui m'aide à avoir de la distance émotionnelle, c'est où est-ce que ça en est? Où moi j'en suis? Moi j'en suis là-dedans. Et avoir des repères quand même. Et pour ça, je les ai quand même bien, mes repères, mes appuis, ils sont costauds, mes soubassements. Voilà. Ma structure interne, je pense qu'elle est, elle est bien là. Et c'est ce qui permet d'aller dans des endroits comme ça. Non, la Gestalt, c'est un outil vraiment, vraiment, vraiment fort. C'est extraordinaire. Moi, je me dis, pour contacter, rencontrer l'humain dans tout ce qu'on vit, hein, l'humain, il y a des choses chouettes, il y a des choses difficiles. L'humain, mais voilà. Et je crois que, oui, j'avais entendu, enfin, j'ai lu. Buber, la rencontre et tout ça, la relation dialogale, et j'ai tout lu, évidemment, mais c'est pour ça que je dis que je commence à découvrir, enfin, je commence, j'ai l'impression de plus ça va, de me dire que dans mon expérience, j'ai intégré ces notions-là, c'est-à-dire dans mon partage, dans mon expérience, quoi. C'est plus c'est intégré. C'est de la théorie. C'est pas de la théorie, c'est du vécu. Et si justement, ça vient de l'existentiel. Tu l'as tellement mâché, ouais, jusqu'à pouvoir vraiment l'assimiler que c'est dans tes cellules maintenant. Oh, c'est dans mes cellules. Et c'est drôle parce que souvent, avant de commencer, il m'arrive, pas souvent, mais il m'arrive parfois de commencer. Je vais avoir une séance, puis je me dis, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Comment ça va se passer? Et puis, tac, la personne arrive, et à cet instant-là, tac, c'est parti. C'est rigolo, je me dis des fois, c'est magique. Et c'est parti, pas avec un modèle avant, c'est parti dans cette interaction, dans cette relation, ce que je ressens, ce que l'autre vit, ce qu'il amène. Et puis, tac, tac, il y a la connexion, et on fait un petit bout de chemin là. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je me dis, heureusement que j'ai rencontré la Gestalt. J'avais fait de la bioénergie, j'avais fait tout ça. Tu avais commencé la Gestalt, enfin, quand tu as commencé à faire un travail sur toi, tu avais rencontré la Gestalt avant de rencontrer Noël, ou c'est avec Noël que tu as pu... Non, qui t'a fait connaître ça? En fait, j'ai cherché, hein, j'ai cherché. J'avais rencontré la bioénergie, le rebirth, Kri Prima, enfin, tous les trucs qu'on faisait dans les années machin. Oui. Et puis, voilà, les massages gestalt, bon, voilà. Et puis, il y a eu cette formation à la Gestalt du centre de Gestalt de Montréal. Et dans cette formation, c'est là où j'ai rencontré la Gestalt, où j'ai dit, ah, il y a quelque chose là. Parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Ernest Godin. Il y avait André Jacques aussi dans cette formation. Il y avait Jean-Yves Roy, un psychiatre. Enfin, c'était des costauds, ces gens-là. C'était là aussi. Tout à l'heure, j'ai nommé deux personnes importantes. Mais cette rencontre avec cette personne, je me suis dit, ah, la Gestalt, c'est pas juste du... comment dire, il y avait des fondations. Il y avait des fondations, il y avait... c'était pas n'importe quoi. Bon, évidemment, Noël était un des participants à ce moment-là, un des animateurs. Tout d'un coup, j'ai pas pu mettre de mots, mais je me suis dit, waouh, là, ça c'est ce qui me convient. Je peux pas dire pourquoi, parce que en même temps c'était pas du théâtre, hein, c'était vraiment il y avait justement cette recherche de sens, cette recherche j'ai senti qu'il y avait du profond, de la structure, et moi qui avais vécu dans un monde un peu sans sécurité durant mon enfance, je me suis sentie dans ma maison, j'ai dit, ah, ça, c'est pas une sécurité, mais ah, là, ça, c'est ma maison. Sans savoir, j'étais au tout, je connaissais rien, c'était un ressenti, c'était ah, ça me parle, ça peut m'aider dans ma vie. J'avais aucune idée d'être thérapeute, j'étais déjà éducatrice spécialisée, donc, mais surtout cette façon de rencontrer l'autre, c'est ça, c'était cette façon de rencontrer l'autre. À la fois, il y a un cadre, il y a une structure, et en même temps, il y a de la relation. Là, ça m'avait. Me suis dit, waouh, là, il y a quelque chose à explorer. Ça, c'est intéressant, ça peut m'apporter, moi. Ça me parle. J'ai envie d'aller là-dedans, encore plus. Et voilà. Et donc c'était ça le Ta c'était rencontre la rencontre, avec la Gestalt. une rencontre à la fois avec la Gestalt et en même temps j'ai eu de la chance de la rencontre à travers des hommes qui ont su tout de suite donner la note que attention, c'est pas n'importe quoi. André Jacques, on en parlait beaucoup à l'époque, maintenant peut-être moins, mais même si je ne comprenais pas tout, j'avais conscience de ne pas tout comprendre, hein, ça c'est, mais je me disais, ça, y a des fondements là-dedans qui me parlent, parce que c'est la rencontre, c'est la communication, c'est la rencontre. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime communiquer, mais qui n'aime pas communiquer n'importe comment, pas superficiellement. J'ai besoin de profondeur, de sens. Voilà, c'est. Et là, j'ai senti avec tous ces hommes-là, j'ai fait waouh, waouh, waouh. Voilà, c'était le début. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une communauté gestaltiste? Alors, cette communauté gestaltiste, c'est une bonne question. Moi, je suis toujours de la vieille école, de l'époque où j'ai eu de la chance. C'est d'une générale de ce que j'étais, d'être justement avec, à ce moment-là, la société française de Gestalt. Noël était avec, rencontrés, ben voilà, ils avaient des repas avec les gingères, avec. Marie Petit, Daniel Grosjean, enfin bon, et je me souviens, voilà, il y avait en même temps tous ces conflits de pouvoir aussi qui existaient à ce moment-là. Mais à ce moment-là, il y avait des noms, il y avait des, comment dire, il y avait des figures, voilà, pas des noms, il y avait des figures qui étaient là. Et puis après, j'ai vécu petit à petit comme une d'autres générations qui arrivaient derrière. J'ai vécu aussi tout d'un coup la Gestalt qui n'a pas simplement. Bon, moi, je défends rien du tout. Je porte ce que je suis, c'est-à-dire l'existentiel. Je continue à porter cette clinique existentielle et à la partager. Maintenant, il y a d'autres courants avec toutes les scissions qu'il y a eu au fur et à mesure. Je pense qu'il y a. J'étais à l'époque beaucoup plus aux États-Unis avec les colloques du Gestalt Journal. Bon, voilà, j'étais à plusieurs à ce moment-là. Et aujourd'hui, je vois au niveau. Je réalise qu'il y a une communauté gestaltiste en Espagne, parce qu'on m'en dit. Il y a quand même un niveau européen, il y a des choses qui se créent. Et je trouve ça. je trouve ça vivant parce qu'à la fois il y a des conflits, à la fois il y a des divergences, à la fois tout ça, mais ça continue. Alors, mais ça continue pas simplement avec un seul courant, ça continue avec différents courants, différentes représentations que je connais pas toujours, j'avoue. J'entends ça au niveau neuro machin, relation d'objet, bon, je me dis pourquoi pas, mais je pense qu'il y a une communauté qui nous relie, il y a quelque chose qui nous relie. Peut-être que il y a des nouvelles formes qui vont se c'est comme la vie, il y a des trucs qui vont se créer, il y a des trucs qui vont se dénouer. Mais je la sens, cette communauté. Je ne participe pas beaucoup à tout ce mouvement européen parce que j'ai déjà beaucoup à faire avec ce que je fais. Mais ça me rassure, ça me réjouit en ce moment. Mon livre est en train d'être traduit en espagnol. Je me dis, bon, ben voilà, peut-être que je vais à nouveau peut-être trouver l'envie, l'énergie de repartager avec d'autres. Mais je sens ce mouvement, je sens qu'il y a une recherche. En tous les cas, il y a quelque chose qui peut évoluer. J'ai toujours peur qu'on soit un peu rattrapé par le mouvement psychanalyste. Par la psychanalyse, si on n'est pas, même si on n'est pas, si on se dit pas psychanalyste, parce que maintenant, voilà, il y a des évolutions dans tous les courants. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens continuent à essayer de se mettre ensemble, à essayer de communiquer. Voilà, c'est sa vie, sa vie. Moi, je sens bien que ça vit. Il y a des gestaltistes partout dans le monde et ça continue à vivre. Espérons que cette reconnaissance de ce que l'on fait soit pas continue à être reconnue comme telle avec cette richesse et pas noyée dans gestalt et machin, ou simplement on fait de la gestalt, mais on n'appelle pas ça gestalt, quoi. Mais peu importe, je me dis, l'important c'est toujours qu'on soit utile au monde, qu'on puisse partager avec le monde, que ça puisse aider le monde. Et moi je peux pas faire autre chose que ce que je fais, ça c'est sûr. Je peux. Voilà, j'ai pas. Mais je sais qu'il y a des gens qui pensent à ça, je sais qu'il y a des gens qui travaillent à ça. Voilà. Alors, on va voir. On va voir. On assiste à ça déjà. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si. Pardon, pardon, Marina. Je vois ce que je fais pour sa place. Est-ce que chacun trouve sa place et le sens oui. pour soi? Alors, est-ce que c'est vrai pour soi? Est-ce que ça parle pour soi? Voilà. Où est-ce qu'on a envie de mettre son énergie? Où est-ce que ça nous mobilise? Ça, c'est la gestalt. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, c'est moi qui t'ai coupé. C'était très important ce que tu as rajouté. Donc, j'ai envie de t'interrompre parce que c'est juste. Il y a une question que j'ai. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. C'est quel est ton rapport au pouvoir et au privilège? C'est une question qui t'inspire. Je suis pas une femme de pouvoir, ça c'est sûr. Pouvoir m'a jamais intéressée. Jamais. Je sais que j'ai mon propre pouvoir. ce qui m'intéresse, c'est comment je, plutôt mon, le pouvoir avec moi-même de ne pas être au-dessus ni en dessous non plus. C'est ça le pouvoir avec moi-même. C'est, voilà, je vais pas me, je vais pas me la jouer comme on dit, mais en même temps, pas me mettre en dessous. J'ai longtemps été très impressionnée par les personnes qui savaient prendre le pouvoir, savoir parler, savoir, se mettre en valeur. J'étais là, waouh! Waouh! En même temps, je trouve ça chouette, mais en même temps, c'est pas, je sais pas faire ça. Après, il y a le pouvoir. Je pense que, au fond de moi, j'ai toujours été un peu une révoltée, je crois, très douce par rapport. Bah déjà, en tant que petite fille, j'étais révoltée de voir comment parfois mes parents n'étaient pas reconnus avec toute la valeur qu'ils avaient et tout ça. On avait le pouvoir de la religion qui était là à l'époque, et les prêtres soi-disant bienveillants. J'ai toujours un œil sur le pouvoir en me disant on me la fait pas. Je peux peut-être rien faire, mais en tous les cas, je vois ce qui se passe. Et après, il y a des moments, ça me fait un petit peu peur. Ça me fait un petit peu peur. Et après, c'est pour ça que je travaille sur cette liberté intérieure pour moi ou pour les gens que j'accompagne. C'est pas une question de pouvoir, c'est une question de s'autoriser cette liberté intérieure de reconnaissance d'abord, pouvoir avoir la liberté et reconnaissance à ce que je suis. Je suis pas autre chose, y compris avec les ambivalences parfois. Et les gens, il y a des gens qui ont le pouvoir mais qui sont pas vraiment brillants. Et puis il y a des gens qui véritablement, certains brillants, brio, intelligence, j'admire. Ouais, c'est chouette. Mais j'ai un petit rapport au pouvoir. Je regarde ça avec distance d'abord. De quoi s'agit-il réellement? Et voilà, mais il est clair que je suis plutôt une femme dans l'ombre, plutôt que petit à petit. Avec le temps, je crois qu'il ne s'agit pas d'être dans le pouvoir, il s'agit de briller avec ce que l'on est, enfin briller dans le sens pas de Saint-Augustin, d'éclairer. Tu sais, quand il disait je préfère éclairer que plutôt que briller, il y a quelque chose comme ça que j'ai l'impression que tu voilà. dis. C'est ça, c'est plutôt être avec voilà, ce que je dégage. Mes sens, voilà, j'ai simplement, voilà, plutôt éclairé, effectivement. Et ça, il n'y a pas de raison de mettre le switch off à cet endroit-là. Donc, voilà, mais je ne suis pas très à l'aise avec dans personne quand il y a des relations de pouvoir et tout ça. La seule chose que je peux faire, c'est dire voilà ce que je suis, voilà ce que je pense. Je suis pas d'accord avec ça, ou je sens pas que ça me parle. Et puis voilà. Et puis, si je suis inclus, je suis inclus. Si je suis pas inclus, je suis pas inclus. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà, il s'agit de savoir dans quel monde on est et qu'est-ce qui, encore une fois, c'est déjà un travail de savoir où on est dans, et ce qui nous anime et ce qu'on a envie de d'éclairer, comme tu dis, partager ça. Ton pouvoir, pas toujours facile pour moi, compte tenu aussi de mon background. Et je ne crois pas que Noël est un homme de pouvoir. Noël est, voilà, il m'a donné une juste vision, c'est-à-dire il aimait, il ne cherchait pas le pouvoir, mais il cherchait, il me le disait du reste, il me disait ce que je veux, c'est transmettre, et j'ai besoin de ma plateforme pour transmettre. Voilà. Donc ça m'a... J'ai encore ça dans les oreilles. Il faut trouver sa plateforme pour transmettre. Tu as dit pouvoir et quoi d'autre? Privilège. Ouf. Je pense, hein, c'est pas mon monde. Ouais, ça doit exister quelque part. C'est sûr que ça existe, c'est évident que ça existe. Je crois que bon, c'est là quand ça touche à de l'injustice. Moi, par exemple, en ce moment à Genève, les restos du cœur, parce que des tas de gens qui n'ont pas de quoi manger, alors qu'il y a beaucoup d'argent. On est à Genève, dans une ville avec beaucoup d'argent. Voilà, je me pose la question à ce moment-là, beaucoup plus de l'ordre de la solidarité, de l'injustice, de cet équilibre, de ce déséquilibre qu'il y a parfois dans le monde. Je suis plus touchée par des questions comme ça, avec la question qu'est-ce que je peux faire? L'autre jour, j'ai eu... deux personnes qu'on m'a envoyées qui sont au chômage. Et j'ai dit, c'est pas une question d'argent, je vous prends gratuitement parce que c'est une question de solidarité. Voilà, qu'est-ce que ça va me faire, moi, de plus, de moins, j'aurai de quoi manger. Voilà, c'est plutôt de l'ordre privilège. Du coup, moi, je mets en balance quelle solidarité, s'il y a des gens qu'on est prêts. Et je suis une privilégiée. Je suis une privilégiée, je me lève tous les jours en me disant, mais privilégiée, quoi, franchement. Mais c'est pas bon. J'ai conscience de ça, j'ai conscience d'avoir des privilèges, mais j'en demande pas plus. Et conscience de ces privilèges, qu'est-ce que je fais, moi, à mon tour? Ça, c'est une grosse question que. C'est une question, pas une grosse, c'est une question qui m'habite, quoi. Voilà. C'est une question importante, ça. Question profonde. Pas rien. On arrive à la dernière question que j'ai à te poser, qui est comment tu imagines ton next à toi personnel avec la Gestalt? Et puis, dans un deuxième temps, quel next pour la Gestalt en général? Tu as des souhaits, une intuition, une constatation, je ne sais pas. Ce qui me vient tout de suite, c'est j'espère qu'on ne perdra pas ce côté humain. Le côté humain que l'on a dans de la relation. Voilà. Moi, si ça reste une psychologie humaniste, je crois que je suis profondément accrochée à cela. Ça, c'est, voilà. Peu importe les théories, enfin, je veux dire, les évolutions et tout ça, mais j'espère qu'on gardera ce côté humain. Et quand je vois des fois dans les associations des conflits de pouvoir, même des fois des agressions ou des choses qui font violence, je me dis, oui, j'espère que on saura tout de même se retrouver dans cet axe d'humanité. Pour aider, pour accompagner des gens à trouver leur chemin et pas se perdre justement dans des conflits de pouvoir ou des choses comme ça. Pour garder l'objectif de ce que l'on... Pourquoi on en est venu à la Gestalt? Qu'est-ce qui a fait qu'on continue à pratiquer la Gestalt? Qu'est-ce qui nous motive là-dedans? Quelles sont les valeurs qui sont là derrière? Et je souhaite de tout cœur que la Gestalt puisse continuer à être reconnue avec des fondements, une philosophie, une clinique qui est unique pour moi et qui a tellement et qui peut tellement apporter au monde encore. Alors oui, on le voit avec le monde actuel, bon, avec ce Covid. Moi, je vois bien comment la Gestalt a sa place, justement. J'ai confiance parce qu'il y a des... Justement, il n'y a pas... Il y a une communauté, comme tu disais tout à l'heure. Il y a une communauté. Il y a des gens qui croient à ça. Il y a des gens qui... Moi, je suis plus toujours dans la course. Je pense que... Il faut pas regarder ça simplement le côté français ou le côté tel pays, il faut regarder ça avec un peu de hauteur. C'est toujours aussi bon d'avoir un peu de hauteur et de ne pas partir dans oulala, dans les peurs et tout ça. Non. Je pense que les crises ou les... Il y aura toujours des tas de choses qui vont se passer. Mais je pense qu'il faut garder de la hauteur et se dire, ça continue, ce mouvement continue, il est mondial. Je fais partie de ça, et je crois en cela, et je crois que ça va continuer après moi. Voilà ma croyance. Et je suis juste une petite goutte. Voilà, une goutte de contribution. Et ta contribution, tu la vois comment à l'avenir? Ta contribution, comment tu l'imagines à l'avenir? Ben, ma contribution, pas différemment qu'à l'avenir que maintenant, c'est-à-dire toujours à continuer à réfléchir, à écrire... à écrire sur cette... Je réfléchis à la clinique de la perfection actuellement. Je me dis... Bon, j'ai des tas d'idées. J'avais écrit sur Exit il y a 8 ans sur toute mon expérience au fur et à mesure des semaines et des mois et avant et après. Et j'avais écrit un protocole pour comment aider les gens qui a, pas celui qui part, la famille, les gens autour. Et tout ça, je l'ai laissé de côté. Donc, je me dis, OK, qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de terminer? Et en sachant, et ça, c'est en sachant qu'il y a j'ai des classeurs. Tous mes séminaires sont transcrits, hein, sont enregistrés et transcrits. J'en ai rien fait depuis 10 ans. Ils sont là. Et je me dis, peut-être que je partirai, que tout ça restera là. Donc, je suis une bosseuse, hein, je suis une grosse bosseuse. Et alors, j'ai cette conscience en me disant, tant que je suis pas encore, tant que ça fonctionne encore un peu, peut-être je pourrais continuer à apporter. Non pas le truc parfait, parce que je sors de ma perfection de plus en plus, mais voilà, voilà ce qui a été pensé à un certain moment, voilà ce qui a été partagé. Peut-être on peut faire plus, peut-être pas, voilà. Mais en me disant, de toute façon, il y a des choses, tu feras pas tout, voilà, il y a des choses qui vont rester en plan. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ma contribution, elle est maintenant, je continue maintenant à réfléchir, à nommer, à être au plus près. Et tout ça demande réflexion, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Mais ça ne pourrait pas être possible sans ces partages avec. Ces groupes de recherche, ce groupe de recherche. Voilà. Alors, elle est faible, ma contribution. elle est pas grandiose, elle est pas. Elle est ce qu'elle est. Mais en tous les cas, elle est step by step, c'est profond, c'est du penser, c'est du réfléchi, c'est du ressenti, et c'est vrai. Et après. Qu'est-ce que ça devient? Voilà. Mais faire ce que l'on ressent qu'on doit faire à un moment et ce dans quoi j'ai envie d'investir parce que je pense que ça vaut le coup. Mais j'ai 10 millions d'idées, mais bon, faut calmer faut calmer La là-haut. créativité, mais oui, mais. Aïe, aïe, aïe, faut revenir. Basique. Hey, reviens les pieds. Je suis Capricorne, alors ça va, je me remets les pieds sur terre. Voilà. Oh. Ça répond, Béatrice. Parfaitement, parfaitement. On est arrivé au bout, je voulais savoir si tu as quelque chose à rajouter, quelque chose qui est important pour toi, que tu n'as pas dit, que tu aimerais dire maintenant. Non, je ne pourrais que répéter que je suis que je vraiment la Gestalt est pour moi tellement tellement tellement unique, tellement tellement riche, tellement et je suis reconnaissante de toutes les personnes qui ont travaillé avant moi. Et à toutes les personnes qui continuent. c'est courageux. Et puis on est dans ces maillons-là. Je me sens dans ces maillons-là. Et je trouve ça magnifique. Voilà, et grâce à ça, j'ai rencontré des gens extraordinaires, des superbes personnes, quoi. On peut toujours penser quand il y a des gens qui sont moches, mais moi j'ai plaisir à penser qu'il y a des très belles personnes que j'ai rencontrées. J'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Ils m'ont beaucoup nourri et je te remercie de ce temps que tu as passé avec moi parce que bah, ça aide ponctuellement à partager aujourd'hui où j'en suis d'où je viens, d'où je viens et où je vais. C'est le truc de Pierre Dac, ça. Ah là là, mon Dieu. Moi aussi, je te remercie beaucoup. J'ai vraiment, ça faisait longtemps que j'avais envie de te rencontrer, donc ça a été vraiment une occasion formidable pour moi, cette interview. Je me sens très, très nourrie, frustrée parce que j'ai du coup plein de questions. Mais bon, voilà, ça, je suis tout à fait libre de le faire par ailleurs, en dehors de cette interview. Bon, si tu es d'accord, je vais arrêter l'interview. Ok. Ok. Donc j'appuie sur arrête.